Salut à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne. Je suce des morts vivants en me faisant sodomiser par des vampires et en buvant du sang de ratons laveurs décédés depuis 4 mois. Ce soir, on va parler de comment bien mettre son eyeliner, ne pas se faire mal aux glands quand on enlève son piercing et bien sûr, bien se laquer les cheveux sur le côté pour avoir l'air d'une tafiole. Bien ça. Ça, c'est bon ça. Ouais, c'est bien. Moi, je pense que tu vois, parler du fait de vénérer Satan et dire à quel point notre Seigneur est grand et puissant, c'est vraiment bien dans une émission. Oui, mais je pense que voilà, de toute façon, les étangs, voilà, on avait vu que, de toute façon, les deux pécores là d'avant, et c'est un concept d'émission qui était totalement à chier. Le jeu vidéo, ça s'appelait le truc des no life, là, C'est des trop blancs de la vie. mainstream, quoi, putain. Ah non, mais je te jure, non, mais je te jure, alors que là, tout le monde, là, voilà, honnêtement, on est réfléchissé bien, voilà, tout est dark, tout est sombre, et voilà, c'est ce qui fonctionne, et il était temps de rapporter un vent de fraîcheur un peu morbide, tu vois, de genre de cadavre sur cette radio. Ouais, je suis totalement d'accord. Par contre, ouais, vous m'excusez, il y a Depeche Mode qui a annoncé qu'ils arrêtaient la musique. Alors, du coup, je vais aller me tailler les veines avec des morceaux de carton mouillé. Non, attends, parce que j'ai appris que apparemment The Cure allait faire une tournée putain trop ouf de sa race. Ah ouais, Mais The c'est vrai que. Cure, putain! Ouais, c'est pour ça, la Depeche Mode à rigueur, vas-y, tu te tailles les ligaments, mais pas plus, parce que là, franchement. Et bon, c'est pas The Cure non plus, faut pas déconner. Ouais, c'est vrai, c'est pas The Cure. The Cure, c'est trop bien, putain. Ah, ouais, trop, moi, à chaque fois que j'écoute, honnêtement, je crois que j'éjacule des fesses, quoi, franchement, parce que c'est tellement bon, voilà. Parce que j'éjacule de la bite, c'est trop mainstream, donc du coup, voilà, j'éjacule des fesses. Ouais, c'est trop mainstream. Moi aussi, je me suis fait retirer le canal, l'urètre. Je me le suis fait mettre dans le cul. Ouais, non, mais trop, voilà, je me dis à un moment, faut adhérer, quoi, c'est des concepts un peu novateurs, du coup. Faut un peu sortir de la vague parce qu'après t'es trop genre un mouton, tu vois, même genre dire trop t'es un mouton, c'est mainstream, Mais c'est ouais, trop genre t'es utilisé. trop un mouton quoi. Voilà, c'est ça, dire que t'es trop un mouton, en fait t'es trop un mouton parce que bah, t'es trop un mouton, parce qu'en fait tu dis que t'es Mais trop un mouton et tout allez, le monde, rends-moi voilà. ton badge. T'es Oh trop un putain, non, mouton. excuse-moi, attends, non, je dis pas Non ce que mais je t'es pense. trop un mouton quoi. C'est le Oh quatrième putain, avertissement, bordel. non, tu l'as dit aussi, vas-y, rends-moi ton badge, t'es gentil. Oh putain, merde. Oh du coup on va devoir rendre la rémission aux deux glandus d'avant. Oh ouais, non putain, mais je savais bien, de toute façon, mais faire de la radio, c'est trop mainstream, putain, c'est trop fait niquer, en fait. Mais on s'est trop fait niquer, putain! Ah Oh, ça, je suis dégoûté. vas-y, moi je vais sur Suicide Radio. Ouais, Au moi moins je vais là-bas, on suivre, n'est pas ouais. bridé dans notre créativité, quoi. J'avoue, je vais venir avec toi, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore trop mainstream, toi, encore ça passe. Vas-y, viens en Ouais, style. vas-y, Style event. en style. Bonsoir tout le monde! Il est Bonsoir! 21h passées de quelques minutes et vous êtes sur Splash Wave Radio. Et nous sommes les vrais, les seuls, les uniques, les YOLO Recorders. Les gens qui écoutent de tout, de rien et qui ne se taillent pas les veines si Depeche Mode ne passe pas. Casse-toi de Parce que. là! Casse-toi de là! Non mais C'est ça! attends, mais barre-toi! Oh putain, vas-y, on se casse, putain, c'est trop mainstream ces connards. Putain d'enfoiré de démo de merde! C'est ça, en fait on les a acceptés, on s'est dit ouais on va porter un truc, essayer de s'adresser à un public plus large, et en fait ils sont un peu trop mainstream en fait à mon goût. Ouais, je suis totalement d'accord. Je crois qu'ils sont légèrement contagieux aussi, hein. Je suis trop d'accord. Oh putain. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah! J'irai me faire vomir après l'émission parce que là c'est pas possible. Non, nous sommes les vrais recordeurs, nous sommes les seuls, les uniques, Puck et Venom. Mesdames et messieurs, Oh applaudissements là s'il les vous plaît. gens! Et on est content d'être encore là ce soir. For the moment. Mais voilà, pour l'instant. Ouais. Voilà, c'est ça va se transformer en thriller, hein, cette émission, on vous le dit tout de suite. Mais voilà. Et en Ça plus va se en. transformer en thriller, tu veux dire en zombie comme Michael Jackson? Là, Monster, ça se transforme en hospice, hein, parce que Oui, là, c'est. effectivement. Mais non, on est très très très content d'être là. On espère être là encore longtemps. Oui, On va faire au mieux. on Parce espère. qu'il y a la radio et il y a ce qu'on appelle la vraie vie. Oui, et oui. On est Et très triste, on a des vraies des vies. fois, ce sont deux univers Qui ne concordent pas. qui ne concordent pas, qui ne corrélationnent pas très bien. Mais pour le moment, voilà, pour le moment, on est encore là ce soir, on sera encore là ce soir, Et après, je pense qu'on sera encore là ce soir. et on Je pense, sera, je suis pas sûr. je pense qu'il y a de fortes chances qu'on sera encore là ce soir, effectivement. Non, et du coup, ce soir, on en profite, vu qu'on est encore là, pour parler de quelque chose qui va être plus d'actualité que d'habitude. Enfin, tout du moins moins en retard que d'habitude. On va parler des Fallout. Attends, moi j'avais pas... Attends, j'avais pas signé pour ça. Tu n'avais pas signé pour ça? J'ai pas signé pour ça, non. Moi, on m'a parlé d'autre chose quand j'ai signé. On va s'y tenir parce que je suis pas... j'ai pas tout prévu. Oh merde. Ouais, mais écoute, sinon j'ai un papier, tu le signes à l'arrache, un avenant, voilà, on s'en fout. Ah, mais même en avenant, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Ah putain. Bah bon, ouais, alors, du coup, de quoi dans ce cas-là, bah, parler parce que moi, on m'avait dit à la base, viens, tu vas parler de Mad Max, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bon, alors voilà, maintenant qu'on y est, autant vous faire, voilà, vous raconter un peu les coulisses de l'émission. Il est vrai que on avait prévu de parler du jeu Mad Max. Bien. Nous sommes sur un format d'une heure trente. Mad Max est un bon jeu. Un bon jeu. Il y a des choses sympathiques, moins sympathiques à dire dessus, et il y a une possibilité de parallèle avec les films que Venom adore, où il est extrêmement fan. Ouais. Il se trouve que faire tenir ça en une heure et demie, ça n'aurait pas été possible. Ou alors, il aurait fallu faire ce qu'on appelle des boucles. Qu'est-ce qu'une boucle ? Demandez-vous, c'est un concept que je viens d'inventer parce que je vous emmerde. Une boucle étant le fait de parler d'un sujet, de développer une idée et de revenir sur cette idée-là, mais en reformulant et ainsi de suite afin de tenir à un temps horaire. Et c'est ce qui aurait c'est ce qui serait fortement arrivé en parlant de Mad Max, puisque le jeu est très rapide à survoler. Il n'y a pas tellement de profondeur dessus. Survoler en voiture, oh là là. Voilà, non, mais c'est une autoroute, ce jeu. Donc voilà, ça aurait été très facile à parcourir. Le parallèle avec les films aurait été pareil, assez vite fait. Et sans qu'on tombe dans une critique des films, dont moi je vous invite à aller voir l'après-séance sur le dernier Mad Max qui est sorti, fait par le fossoyeur de films, qui est juste excellente, comme toutes les après-séances qu'il peut faire, comme toutes les chroniques qu'il peut faire, comme tout le faussaire de film en fait au final. Mais voilà, donc ça aurait été de la paraphrase de ça aurait été paraphrasé sur certains points le faussaire de film, donc ça aurait pas été de grand intérêt. Donc j'ai proposé à la suite, j'ai dit écoute, mon petit Venom, mon petit chou d'amour, oui, parce que là voilà, on est obligé de vous dire tout, hein, les quiz. Oui, voilà, on rentre dans les dans l'intime. J'ai dit, écoute, mon petit chou d'amour, pourquoi on ne parlait pas des jeux Bethesda? Et là, il m'a mis, écoute, 1h30, il y a beaucoup de jeux, machin. Il fait, mais. Voilà, je fais, ouais, mais c'est comme il y a Fallout. Il me fait, bah, dans ce cas-là, parlons des Fallout. Ah, c'est. Non. En fait, je crois que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Ah, merde. Et ça a posé un vrai problème, parce que je t'ai déjà expliqué, je n'ai pas fini New Vegas. Oui, mais moi, je n'ai pas fini le 3. Ben oui, mais on peut pas parler des Fallout sans parler de New Vegas. Oui, mais et alors je ne peux pas parler de New Vegas parce que je ne l'ai pas fini. Techniquement, est-ce qu'on peut pas faire un gros fuck? Parce que je te donne mon argument. Fallout qui va sortir s'appelle donc Fallout 4. Et non pas Fallout 4 New Vegas. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Merde. Donc on va devoir se coltiner Mad Max. Ben, il semblerait que oui. Putain, ça va faire trop de gestes. Oh, en une heure et demie, on a le temps. Il faut qu'on ait un éclair de génie là tout de suite maintenant. Parlons des Five Nights at Freddy's. Yeah. Ah non, merde. Putain, on peut pas non plus, bordel. Non, bah écoutez, on va parler de Mad Max. De Mad Max. On va essayer de faire ça bien. Je vais parler donc lentement, prenant le temps de faire des pauses régulières, afin peut-être qu'une idée puisse porter. Non, ça va être chiant. Ça va être casse-couille. Ça va être super chiant. On va perdre des auditeurs, ça va être une horreur. Ouais, je crois qu'ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, malheureusement. Non, bah très bien. Bah, dans ce cas-là, on va faire Mad Max. Il n'y a pas de problème. Donc, Mad Max. Eh oui. Qui est sorti sur Xbox One, PS4 Et PC. Et PC et peut-être PS3 aussi. Je crois pas. Hein. Pas sûr. Bon, on va dire PS, on s'en fout. PS4, Xbox One, PC. Début septembre. Qui est un jeu que j'avais eu l'occasion de voir pour l'E3. En fait, j'avais découvert ce jeu à l'E3. J'avais pas fait gaffe avant l'E3 qu'il y avait un jeu Mad Max de prévu. Moi non plus. Et en voyant des vidéos de gameplay comme ça, la sauvette, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Je connais rapidement les films. J'avais vu la bande-annonce du dernier qui m'avait bien plu. Et je fais bon. Je fais le jeu a l'air sympa, l'univers post-apo a l'air bien géré, bon, pourquoi pas, et puis au fur et à mesure, en fait, franchement, je me laisserais bien tenter tout ça, et arrivé le jour J, bien j'ai acheté le jeu, disant allez, allons jusqu'au bout de l'initiative, et je ne l'ai pas regretté, parce que c'est un bon jeu. J'ai cru que t'allais dire, et je ne l'ai pas fini. Non. Non, je l'ai fini parce qu'il se finit d'un point de vue scénaristique relativement vite quand même. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs petites choses à faire en parallèle qui sont pas... Il est riche mais pas trop. C'est... En fait, il est... Voilà, pour moi, il est juste au niveau du bon jeu. C'est-à-dire que je l'ai pas idolâtré. J'ai dit, voilà, ce jeu-là, quand je l'ai vu, j'ai fait, il a l'air sympa. Je me prendrais bien parce que voilà, il a l'air bien. Ça a l'air d'être quand même un jeu sympathique. Effectivement, c'est un bon jeu, c'est sympathique. C'est pas the meilleur jeu, c'est pas the best of the year, mais c'est un bon jeu qui a de bonnes qualités, de petits défauts, hein, mais pas de gros défauts à part entière. Il n'y a pas de gros défauts qui en sortent. À savoir que pour l'histoire de Mad Max, on est sur quelque chose d'extrêmement classique. C'est pas l'histoire du justement du film. Non, alors non, c'est ça qui. Alors ça, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui est intéressant, c'est que le jeu s'inspire de l'univers de la trilogie originale et du remake, mais qu'il a quand même en fait une histoire propre. C'est-à-dire qu'un univers. Pour faire mon chieur, c'est pas un remake, c'est une suite. Le nouveau qui est sorti, c'est une suite. Oui. C'est une suite, mais sans les acteurs principaux. Mais c'est une suite, hein. C'est considéré comme une suite. D'accord. Pour avoir vu les trois, je serais plus parti sur le remake, quand même. Eh ben oui, enfin, pourtant, non. Pas le remake, mais la refonte, peut-être. Je sais pas. Oui, au final, est la même chose. Oui, mais j'ai envie de faire chier, donc du coup... pour avoir vu les trois premiers, je serais pas parti sur une suite. Ou alors une suite, mais ouais, chaud quoi. Chaud la suite. Ah bah chaud. Oui. Parce que honnêtement, même si ça avait été avec les mêmes acteurs, donc ils auraient pas tellement le choix, en fait, il n'y en aurait eu qu'un seul qui aurait été identique au précédent. Mais ouais, on s'arrête plus été revu comme un remake que comme une suite. Après, voilà, peut-être que. Il faut être un peu plus initié pour comprendre le fait que c'est une suite. Bon, bref. C'est vrai que comme je l'ai pas vu. Enfin, si, j'ai commencé à le regarder. Mais... Bah, honnêtement, moi je pars d'un remake parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont visuellement et même. Scénaristiquement différentes, nouvelles par rapport aux anciens. Si ce n'est... oui, le seul truc qui fait suite, c'est que le personnage a la même histoire. C'est ça, en fait. Mais quand tu regardes Robocop, tu as Robocop et Robocop. Oui, mais là, par exemple, le nouveau Robocop est un remake. Oui, mais le personnage a la même histoire, si j'ai bien compris. Pas vraiment. À quelques détails près. Ah oui, mais un détail est un détail. Et surtout, ils ont recommencé l'histoire de Robocop pour le nouveau film. Ils l'ont vraiment recommencé. Alors que pour Mad Max, ils ont repris de là où s'arrêtait, c'est Thunderdome, je crois, le dôme du tonnerre. Mad Max 3, c'est Thunderdome. C'est Mad ça. Max, ouais. Mad Max 1, Mad Max 2 et le 3 et. Oui, alors oui, ça. Oui. On va dire que ça reprend là où s'arrête le 3 avec quand même une prise de conscience assez énorme. Mais du coup, bon voilà, on va dire que le jeu s'inspire de la trilogie originale et de ce qui fait office de suite. Voilà. Mais avec sa propre histoire, puisqu'il n'est pas clairement dit dans le jeu que le Max que nous incarnons ait perdu sa femme et sa fille. Et donc voilà, on sait qu'effectivement il avait une famille, enfin, on se doute qu'il avait une famille, mais on sait, voilà, il dit pas ouvertement que ça j'ai va être... perdu ma femme et ma fille, je suis ouais, triste. C'est à travers, il y a un moment, il y a tout un passage où il est un peu délirant, où c'est des personnages qui vont plus ou moins sous-entendre les choses par rapport à son histoire, puisqu'en fait on est amené en fait, ce qui se passe, ça s'inspire le début, s'inspire un peu du début du nouveau film. Ça veut dire qu'on est Max, tout ça, et on va tomber dans une espèce de guet-apens, et on va se faire littéralement casser la gueule, sans avoir, enfin, en ayant bien sûr bien abîmé bah, le. D'où le guet-apens, voilà. Voilà. Que ce soit mais, des homosexuels qui te tapent dessus. Mais du coup, on va amocher quand même l'espèce de gros boss, gros patron. Mais on va se faire casser la gueule et piquer notre bagnole. Et donc, on va se retrouver c'est abandonné. C'est terrible! Oui, non, mais en plus, la voiture, c'est la voiture, The Voiture. C'est la voiture de Max, celle qu'il a dans le premier, qu'il a dans le deuxième, qu'il n'a plus dans le troisième. Alors, qu'il n'a plus dans le troisième. Et qu'il se fait donc chourave au début du nouveau. Donc, on se fait chourave cette bagnole-là. Et donc, on se retrouve sans rien, sans bagnole. Et on va rencontrer un mec au nom strictement imprononçable. Glabelbi, Glabelba. Glubibulga. Voilà, mais qui sera appelé. Enfin, c'est le mécano. On va rencontrer le mécano, donc qui est un doigt noir. C'est un peu moche. Un doigt noir? C'est un mécano. En fait, voilà, dans le monde où on est, en fait, il y a des élus. Ce sont les doigts noirs. En fait, ce sont les mécanos. Ce sont les seuls qui sont en capacité vraiment de comprendre toute la complexité de la mécanique automobile. À savoir que pour lui, en fait, donc, il est effectivement un élu. En fait, la mécanique, c'est représente, en fait, vraiment, hein, mais la mécanique représente une espèce d'entité religieuse, en fait. C'est une entité divine. Et donc, du coup, quand on arrive, quand on le rencontre, on devient pour lui le saint. Il décide de nous accompagner dans la reconstruction d'une machine de guerre divine, parce que voilà, pour lui, on est le saint, on est celui qui va sauver le Wasteland, qui va sauver les terres désolées, tout ça. Donc voilà, il nous accompagne tout du long et nous sommes le saint, machin, et on doit l'emmener à tel endroit et ceci et cela. Et en fait, ça va résumer le plus gros du jeu. Ça veut dire que on va avoir l'histoire de Max qui cherche juste à récupérer une bagnole pour en fait partir dans le désert blanc, les terres désolées, pour mener une espèce de retraite spirituelle, un abandon du monde. En fait, c'est une mort spirituelle. En fait, il veut vraiment tout abandonner et quitter la folie et les remords et tout ce qui le torture pour vraiment finir. Donc, il veut devenir Normal Max. Normal Max, c'est ça. Il veut vraiment partir. Il veut partir dans les terres désolées avec une voiture pour fuir tout ça, pour être loin de tout, pour ne plus assister à la folie des hommes et du monde. Et on a à côté le saint qui veut juste construire la machine et partir accompagner le saint dans sa quête. Et derrière, il y a une espèce d'histoire d'amour entre Mad Max et une esclave qu'il va rencontrer. Il va y avoir toute une série où il faut sauver sa fille, puis après il va vouloir la venger parce qu'elle a été tuée. Du coup, on va rencontrer le grand méchant. Et en fait, finalement, le combat du grand méchant, ça va être la volonté de récupérer sa bagnole, mais en même temps de venger la mémoire de la petite fille et de la mère qui vont être sauvagement tuées par le mec. Enfin, voilà. Et on va se retrouver, on va rencontrer plusieurs personnes qui vont nous demander de libérer leur terre, de leur rendre leur territoire, d'accomplir des quêtes pour eux. Pour récupérer de la ferraille, de l'essence, des munitions, des machins. Donc, honnêtement, c'est ultra classique. Ça veut dire que c'est du vu comme scénario. C'est pas, ça pue pas l'originalité. C'est très linéaire. Mais c'est efficace puisqu'on est pris dedans, puisque quand même on suit le truc avec intérêt et que voilà, on est quand même entraîné par le rythme scénaristique, par même la faiblesse du nombre des quêtes secondaires. Voilà, les quêtes secondaires nous attirent aussi puisqu'elles permettent d'apporter des choses. On a la volonté d'améliorer sa voiture pour en faire au choix une arme de guerre ou fusée du désert. Enfin voilà, en fonction des améliorations qu'on va rajouter, enlever, ça va permettre d'améliorer la vitesse, la défense, l'adhésion au sol, au sable, machin. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être changés. Il y a une espèce de côté un peu jeu de rôle avec le fait qu'on on va déverrouiller en fait des niveaux pour Max. Des niveaux qui vont lui permettre de débloquer des compétences, de nouveaux équipements, des améliorations d'équipements et tout ça. Donc on c'est léger, c'est bien fait, c'est-à-dire que c'est bien géré dans l'ensemble. Ils ont bien géré le truc, ça veut dire que c'est pas voilà, le jeu ça se résume avec une carte enfin assez grande qu'on peut parcourir à pied ou en voiture. Un équipement qui peut être amélioré, des compétences qui peuvent être améliorées, un système de combat qui est des plus simplistes mais tellement plus efficace, parce que je crois que c'est juste le truc le plus jouissif du jeu, ce sont les combats. Puisqu'il y a une réelle sensation de pure violence gratuite au niveau des combats. On bourrine la touche. Du peu que j'ai vu, hein, comme je l'ai dit, j'y ai pas joué, j'ai pas vu le film, mais c'est beaucoup de combats à la voiture, non ? Alors, tu vas avoir des séquences d'affrontements en voiture où effectivement il faut défoncer les autres bagnoles ou alors les neutraliser sans les faire exploser ou juste leur échapper. Enfin, il va y avoir ces phases-là, mais il va y avoir aussi énormément de combats à main nue. D'accord. Puisqu'en fait, c'est du combat à main nue ou alors on peut avoir des accessoires genre des lances ou des armes au corps à corps qu'on peut utiliser sur une certaine durée. Parce qu'elles finissent par s'abîmer, ou alors on a le fameux fusil canoncier de Max qui peut nous servir pour détruire des éléments de décor, détruire des voitures si on est à pied et qu'on est attaqué par une bagnole, voilà, pour se défendre, pour défoncer gratuitement un mec en lui mettant une bastos en plein dans le thorax. Et après, ça va être beaucoup de combats à main nue, mais avec une violence juste magnifique, puisqu'on est sur un système de combat qui se rapproche beaucoup des Batman. Oui, parce que ça va être de l'attaque et des contres, de l'attaque, des contres. Mais il y a une violence. En fait. La violence est aussi bien au niveau du visuel que du sonore. Ressenti, ouais. Ah oui, parce qu'en fait, tu entends les os se briser. Ah, mais c'est sympathique tout ça. Tu entends les coups de poing, c'est gros. Pouf, pouf, c'est un bruitage juste atroce. T'entends le choc de la paume, enfin du poing sur la joue, sur le thorax. T'entends les os qui se brisent. C'est voilà, et puis t'as un mode en fait que tu déclenches au bout d'un moment, le mode furie, où le mec il rentre dans une rage juste extraordinaire, donc tu gagnes en puissance, en résistance, et tu as des nouveaux coups encore plus violents. Tu vas choper le mec, tu vas lui écraser la tête au sol avec la nuque qui se plie à 90 avec un beau craquement sonore, ou tu vas lui faire tu vas lui mettre un double coup de pied dans sa gueule en te lançant en t'éclatant par terre. Enfin voilà, ça va être vraiment du combat brut, et c'est un des éléments qui est extrêmement jouissif. Ce sont vraiment les phases de combat qui sont juste excellentes. Après, pour le reste, on a sur l'inspiration, en fait, ça va être beaucoup de clins d'œil, en fait, aux films qui vont être faits. C'est-à-dire que l'inspiration, ça va être au niveau du nom de certains endroits, mais tu vas avoir énormément de clins d'œil, notamment à la fin, quand tu finis le jeu, en fait, tu déverrouilles le manteau et le pantalon de Max. Du film, le fusil qu'il y a dans le film, mais dans les films avec Mel Gibson. Donc tu as la tenue de Mel Gibson, avec le fusil de Mel Gibson, avec la voiture du film. Donc c'est là voilà, un nom du film du Fury Road, hein, tu parles. Non, enfin oui, parce que dans Fury Road, en fait, celle qu'il a au début et à la fin, ce sont celles qu'il a l'origine, en fait, dans les films. Oui, d'accord, dans les originaux, donc. C'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est beaucoup. En fait, voilà, ça va être énormément de clins d'œil à la série des films. Mais voilà, au niveau de l'histoire et des personnages, on va strictement rien retrouver. Si, au niveau des personnages, les méchants un peu chelous qu'il y a dans le nouveau film, avec pan en blanc et tout ça, ainsi que certains types de véhicules vont être retrouvés dans le jeu. C'est-à-dire qu'au niveau du véhicule, de certains types d'armes et du visuel des ennemis, ça va être énormément pris sur le dernier film, parce que c'est là où il y avait le plus d'originalité au niveau des méchants, puisqu'en fait les méchants dans les trois premiers films, c'est des gens normaux, mis à part dans le 2 où ils ont des costumes juste ultra dégueulasses. C'est des gens classiques, donc il y avait pas énormément d'inspiration à prendre au niveau du visuel sur les premiers films, mais plus sur le dernier qui a vraiment un visuel très impressionnant et avec beaucoup plus d'impact en fait du côté post-apo que les trois premiers films. Pareil, on va retrouver Pétroville. Enfin voilà, il y a des lieux qui sont propres aux nouveaux films qui vont être retrouvés dans le jeu. Mais après, ça va vraiment se baser sur des clins d'œil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, au niveau du contenu du jeu en lui-même, de l'à côté, c'est-à-dire de l'or hors quête principale, hors les actes qui font que le jeu, logique du jeu. Ça va être la libération de territoire. En fait, en exerçant plusieurs actions, on va pouvoir diminuer l'influence des méchants dans certaines zones. Donc ça va être éclater des épouvantails, des espèces d'épouvantails de ferraille. Ça va être éclater des épouvantails de ferraille. Ça va être libérer des bases. Bienvenue dans Metal Gear Solid 5. Ouais, non mais honnêtement, ouais. Ouais, pour avoir le 5, honnêtement, c'est exactement ça. Enfin, le 5, c'est aucun des Metal Gear. Donc. Le Metal Gear, le nouveau, le Phantom Pain, c'est plus. Un peu plus travaillé quand même que Mad Max, mais honnêtement, Mad Max, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des points d'observation pour nous permettre de déflouter, en fait, sur la map certaines zones. Donc, il va falloir, faire tous les points d'observation, libérer les bases. Il y a plusieurs types de bases. Il y a la base où tu vas avoir le gros méchant à battre, d'autres celles où ça va être juste péter du carburant, éclater des mecs. Enfin voilà, ça va être plusieurs types de bases. Ça va être, à chaque fois, ça va être des bases différentes. Donc ça, c'est intéressant. Il y en a des souterraines, des en l'air, des suspendus, des machins. Donc c'est quand même relativement riche là-dessus. C'est-à-dire que ça va pas être tout le temps le même type de typographie pour les bases à libérer, enfin les bases à explorer. Ça va pas être non plus tout le temps les mêmes objectifs à accomplir. Même si ce sont des récurrents, c'est-à-dire exploser des stocks de carburant, éclater des pompes en fait de carburant ou éclater la pompe. Ouais, non mais ou exploser voilà la gueule de gros chefs, d'espèces de gros boss qui sont juste ultra gonflés, ultra machin, ultra dégueulasses. D'ailleurs, si les gros boss qu'on doit éclater ont un visuel au niveau costume qui s'inspire fortement de certains méchants qu'on peut voir dans le deuxième film, c'est très très cuir moustache. Cuir moustache. Ah ouais, non mais c'est ils sont, il y en a certains, c'est à la limite de la tenue SM, donc c'est particulier. Mais du coup, ça a plusieurs clins d'œil. Pareil, il y a un moment, on participe en fait à une course. Donc il nous faut on embauche une meuf qui est censée être en fait notre lance harpon, notre guerrière en fait, qui doit exploser les autres véhicules alentours en balançant des harpons explosifs. On a la course à faire en fait au final, on nous balance dans la cage. Donc, tu entends certains, si tu écoutes bien dans le public, t'entends des gens qui crient Thunderdome, Thunderdome, et en fait on se retrouve dans une cage arrondie. Ou c'est un combat à mort, c'est-à-dire que voilà, il y en a qu'un seul qui doit survivre. En fait, au final, on a gagné la coupe avec la guerrière, mais on doit s'affronter pour qu'un seul survive. Et c'est le Thunderdome en fait, reproduit quasiment à l'identique du troisième film. Donc voilà, c'est beaucoup de clins d'œil. Donc le gros avantage, c'est que moi, en fait, il n'y a pas spécialement besoin de voir les films pour jouer au jeu, pour profiter du jeu, de l'histoire et tout ça, puisque même s'il y a des clins d'œil, c'est pas pénalisant, enfin ça rentre pas spécialement. Ouais, voilà, t'as le clin d'œil, mais si tu le comprends pas, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, mais si t'as vu les films, bon, t'es content. Mais après, effectivement, c'est assez bien géré pour que ça donne du coup l'envie, peut-être, enfin, moi, ça a fait le cas, là, de voir les films, de peut-être de voir comment, la différence qu'il y a entre les films et le jeu, de voir comment le truc a été respecté, de peut-être en vouloir en savoir un peu plus sur l'histoire de Max, c'est moi, ça m'a poussé à voir les films que j'ai pas regretté, même si bon, c'est le 2 ça passe encore, le 3 c'est une Oui, tout le déjà monde dit rien. que le 3 c'est de la merde. Bon, après, Ah oui, non, les mais le... couleurs. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que le 1, autant le 1, il date de 79. Même moins. Moi j'ai été traumatisé par Mad Max étant gosse, donc. C'était honnêtement le premier, doit être, je crois que c'est 78 ou 79, si je dis pas de Ouais, c'est à conneries. peu près ça. Ouais. Et c'est, voilà, les effets spéciaux, c'est de la pyrotechnie, hein. Ah bah oui. Bah au final, comme dans le tout dernier, hein. Oui, mais ça, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas à y avoir l'utilisation d'images de synthèse ou autre. Ça va être, enfin, ça se passe honnêtement quand tu regardes, t'imagines fortement que ça a été tourné dans une campagne écossaise ou anglaise, il y a quelque chose comme ça. Mais le 1, moi j'ai trouvé excellent parce que les personnages sont forts, l'histoire se met en place, donc du coup, voilà, c'est vraiment centré sur Max et son histoire. En fait, voilà, c'est tout ce qu'on prend là. Et c'est la mise en place. En fait, c'est ouais, c'est le début en fait du, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que c'est le commencement de l'apocalypse. On le sent un peu comme ça. C'est-à-dire que vu que les décors, c'est pas spécial, c'est pas du désert, c'est pas du feu, des machins, c'est la campagne. Hein, c'est vraiment la campagne anglaise. Voilà, c'est le préquel. C'est le tu sens que c'est le début de quelque chose. Que voilà, que ça commence à ne plus aller. Et tu le sens dans le 2 que voilà, le 2 c'est encore plus avancé, c'est encore plus évolué. Ça fait vraiment une suite logique au 1. Arrive le 3 qui est. Le 3, c'est n'importe quoi, puisque le 3, on retrouve des personnages du 2 qui jouent des rôles. Tu penses jusqu'au bout que, en fait. Et en fait, non, il joue le rôle d'un autre personnage, mais qui ressemble à celui d'un. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Honnêtement, il y a que. Finalement, le seul rôle qui n'a pas bougé, c'est celui de Max. Mais sinon, c'est du. Voilà, c'est n'importe quoi. Déjà, on voit. Merde, Tina Turner dans le générique. Ouais. Voilà, elle joue pas mal, mais c'est une chanteuse, c'est une très bonne chanteuse. Voilà, Oui, le 3, enfin, le. tu veux qu'on reparte du film Battleship avec Rihanna? Oui, bon, d'accord. Bref, le 3 est à chier. Mais du coup, par contre, effectivement, la suite. Le nouveau Mad Max est juste excellent, que ça soit dans son approche scénaristique, dans son approche visuelle, dans l'approche dans l'univers. Enfin, voilà, même dans l'approche au niveau des plans, dans son point de vue. Enfin, voilà, c'est très bien pensé, c'est très bien réalisé. Comme effectivement, moi, j'avais pas spécialement vu ça, mais comme a dit le fausseur de film, c'est vrai que ce qui est le seul truc qui est dommage, c'est que finalement, dans ce film-là. Mad Max soit quasiment, enfin le Max soit quasiment passé au second rôle. En fait, il est présent, mais il est au second rôle, c'est-à-dire qu'il c'est un personnage fort, mais finalement, en fait, c'est la femme qui va devenir le, enfin tous les personnages secondaires vont devenir principaux et lui va devenir secondaire. Enfin, c'est particulier, c'est pas non plus super désagréable, c'est particulier, mais ça en fait, voilà, c'est un, honnêtement, moi j'ai été pris dedans du début à la fin parce que pareil pour paraphraser le Fossoyeur, il y a énormément, enfin c'est hallucinant de money shot, mais c'est mais des money shots qui sont pas gratuits, qui ont un réel intérêt dans le film. C'est pas du money shot à la Michael Bay en fait. Voilà, alors si je peux me permettre, est-ce que tu sais ce qu'on appelle un money shot? C'est un plan qui coûte très cher. Oui, mais alors il y a un autre type de plan qu'on appelle le money shot. Vas-y. C'est pas une blague, hein, je dis vrai. Ce que je vais dire, c'est une réalité. Alors, on appelle vraiment ça un money shot. L'éjaculation faciale dans un porno, c'est appelé un money shot. Ouais, mais là, c'est Parce je que sais c'est le pas. plan qui va ramener l'argent justement, qui est considéré comme le plan qui va donner envie aux gens de regarder. Voilà. C'était le petit trivia cinéma random. Ben, ce sont des plans qui coûtent cher et qui donnent envie de regarder, mais pas dans le même sens que le porno. Voilà. Voilà, non, ce sont des plans, voilà, c'est. Honnêtement, ce qui est. Enfin, voilà, c'est du Michael Bay, mais poétique. C'est-à-dire que ça soit sur le jeu de couleurs, sur la façon dont c'est filmé, ça pète pète dans tous les sens, mais vraiment, c'est de la grosse explosion, mais c'est beau. Oui, c'est ça. C'est la différence avec Michael Bay. Oui, parce que déjà, Michael Bay fait des trucs très beaux, mais enfin, c'est beau à si tu veux, genre graphiquement quoi. C'est-à-dire que à voir, ouais, c'est plaisant à l'œil, mais c'est pas non plus artistique. Voilà, alors que là, c'est plaisant, c'est artistique, ça a une logique dans le déroulement du truc. C'est-à-dire que c'est pas gratuit, c'est pas genre il va se passer un truc et on aurait pu se passer d'une explosion ou d'un truc ou d'un machin. Non, là, il fallait que ça arrive. Ça, voilà, c'est juste exceptionnel parce qu'il y a des explosions qui sont juste monumentales, mais elles ont toutes leurs raisons d'exister. C'est pas gratuit. Et donc, du coup, voilà, c'est honnêtement, c'est une très bonne suite. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que voilà, ça va pas s'arrêter. Du film, oui. Et qu'il y en aura d'autres, que ça sera aussi bien géré que celui-là. Parce que le souci, des fois, c'est qu'il y a un truc qui va bien marcher une fois, on va vouloir continuer, et finalement, ça va devenir de la merde. Juste prendre les Mad Max. La première trilogie, le premier est sympa. Enfin, il est très. Pas sympa, le premier est très bien. Malgré le fait qu'il soit vieux, il est vraiment très bien. Le deuxième est sympa, même si on a quelques indices. Je sens que cette histoire de continuer ou de vouloir relancer un projet peut-être qui était passé inaperçu. Et le troisième, c'était juste d'engranger de la thune par rapport à une licence qui fonctionnait bien. Ouais, mais tu me diras, après, il y a des fois, c'est pas forcément, alors on dit souvent c'est la faute aux producteurs, machin. C'est pas forcément leur faute si un film que vous avez aimé a une suite. Je vais prendre une des suites les moins aimées du cinéma. Et je vais me faire taper dessus, hein. Je vais me faire taper dessus pour dire ça, mais pourtant, moi, c'est un de mes films préférés. Et je le vis bien. C'est Retour vers le futur 3. Que je n'ai jamais vu. Et ben, si tu veux, tu as Retour vers le futur 1. Qui était très très très très très très très très très très très très très très très très très très bien. Oui. Ensuite, il y a le 2 qui est très très très très très bien aussi, hein, faut l'avouer. Parce que le 2, alors le 2 c'est parce que je comprends toujours. C'est celui où ils vont dans le futur justement. D'accord, et le 1 c'est celui où ils vont dans le passé pour voilà, le 1 c'est en 1955, le 2 c'est en 2015. Voilà. OK. Et le 3, en fait, se passe dans le Far West. Ça, ouais, ça je le savais, mais j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, j'ai jamais regardé, en fait. Et pour moi, je me fais souvent frapper quand je dis ça. Pour moi, c'est un très bon film. Et les gens me frappent parce que, oui, mais non, mais il est pas pareil que les autres. Et il change, et puis c'est moins drôle, et puis il y a autre chose. Bah, c'est plutôt bien. Et c'est leur plainte principale que Retour vers le futur 3 n'est pas comme le 1 et le 2. Bah, oui, mais tant mieux, parce que sinon après ça fait un peu de redondance, un peu chiant quoi. Voilà, c'est ça. Mais les gens s'en sont plaints et il y a un truc que très peu savent. Donc je pense que bon, vous avez tous vu Retour vers le futur. Tout le monde l'a vu, hein. Est-ce que tu sais pourquoi entre Retour vers le futur 1 et Retour vers le futur 2, il y a 5 ans d'écart? Je veux dire au niveau du tournage. Hein. Non, parce que en fait, Retour vers le futur n'était pas censé avoir de suite. La fin de Retour vers le futur avec la scène où Doc revient chercher Marty et donc l'emmène avec. Avec sa copine là, j'ai plus le nom, Machine. On va l'appeler Machine. Ça lui va très bien. C'est en fait une blague. C'était une blague des scénaristes qui se sont dit, mais en fait, tu vois, genre l'histoire, elle est jamais finie, elle est jamais réellement finie. Donc au final, à la fin, en fait, Doc il va revenir chercher Marty et ça fera genre comme si, tu vois, comme si voilà, ils ont, bah, la machine est toujours vivante. Enfin, elle existe toujours, tout ça. Tu vois, c'est genre, c'est voilà, c'est la petite blague quoi. Il revient aller chercher à la fin. Oui, c'est pour dire que c'est pas fini, que ça continue, mais que. Voilà, que la vie continue, quoi. C'est tout simplement ça. Et les gens ont tanné les producteurs pendant 3 ans. Mais on veut une suite à Retour vers le futur, on veut une suite à Retour vers le futur, on veut une suite à Retour vers le futur. Au point que les mecs, ils ont dit, bah écoute, moi j'en ai ras le cul. Je vais te la faire ta putain de Je vais te suite, la faire ta enculé putain de suite. Sauf qu'on va pas en faire une, on va en faire deux des suites. Et on vous encule. Et c'est les gens qui ont demandé la suite, quoi. Enfin, faut être Mais. réaliste, Retour vers le futur, il y a une suite parce que le public l'a demandé. Mais de toute façon, il y a beaucoup, enfin, il y a pas mal de films, bon, sans dire beaucoup de films, mais il y a pas mal de films qui sont la suite de, comment dire, de films parce que ça a été demandé par une communauté. C'est ça. Et après, ce qui est drôle, c'est quand il y a des suites, les gens se plaignent. Quoi? Encore une suite? Ils savent plus quoi inventer, hein? Oui, alors que c'est eux qui l'ont demandé, mais ils sont juste Alors que un peu c'est eux trop qui l'ont cons. demandé, quoi. C'est ça. Et moi, personnellement, je trouve ça mais tellement exaspérant, quoi. C'est C'est bien triste. entendu des producteurs quand ils voient. Enfin, moi, tu vois, je suis un peu réaliste. Je me dis, t'es producteur. Tu vas mettre une certaine somme d'argent dans un film. Tu vas mettre, genre, par exemple, 2 millions dans un film. Bon, 2 millions, c'est une somme qui est très, très, très, très basse maintenant, hein, faut le savoir. Tu vas mettre, bah, allez, on va dire 20 millions, hein, pour coller Allez. plus à la réalité des choses. Tu mets 20 millions dans un film. Le film, il sort, il fait un carton, tu ramasses 75 millions. Bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses le projet mourir? Ou est-ce que tu vas te. Ou est-ce que tu vas faire une suite? Tu fais une suite? Bah ouais. Bah c'est un investissement au final, ton projet. Le premier film que t'as financé, c'est un investissement. Pardon, je suis désolé, je commence à avoir mal à la gorge. Donc effectivement, quand on te propose. Parce que oui, il y a des fois, c'est les producteurs qui pro, enfin, c'est pas les producteurs, c'est les scénaristes qui proposent. Les mecs, ils ont pas terminé une histoire, ils veulent finir de l'écrire, ou juste ça les éclate tellement qu'ils ont juste envie de la continuer. Ça arrive aussi, hein. Faut le savoir que parce que voilà, tout le monde crache sur les. Ah oui, mais c'est les producteurs, ah, c'est le méchant producteur qui a demandé. Ah, caca, tu vois. Mais il y a des fois, c'est le scénariste ou le réalisateur qui a fait. Franchement, moi j'aimais bien ce truc-là. Eh, on va en faire une suite si ça vous va. Et pourquoi pas? Si les mecs, ça les botte. Après, effectivement, il y a des suites qui sont réalisées. Là, je pense par exemple au. Comment ils s'appellent ces films? Paranormal Activity. Déjà, le premier n'avait pas de raison Bah. d'être. Je vais pas être aussi catégorique que ça. J'ai détesté le premier, mais dans le style de films d'horreur qui vous laissent donner, il y avait une logique que je respecte et qui pour moi aurait pu être mieux exploitée. Mais bon, Ils sont restés fidèles à. après ça c'est voilà, moi tout voilà, pour moi, et je l'ai toujours expliqué, hein, j'aime pas Paranormal Activity parce que rentrer dans l'intimité de personnes comme ça, je trouve ça malsain, tu vois. Enfin, Non, ça aurait pu être mieux amené. Enfin, c'était vraiment. bah, c'était pas mal amené au final parce que l'idée est bien. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans Paranormal Activity, c'est que tu regardes leur vie. J'ai pas envie de les voir dormir. Oui, non, mais c'est C'est. ça. Tu les vois bouffer, dormir, pas baiser, mais Voilà. presque. Bah, oui, il y a un moment où ils baisent et où juste tu le sais parce que la nana, elle coupe la vidéo, quoi. Tu vois? Mais ouais, non, voilà, le film a, enfin, tu as un aspect de documentaire. Le film, à proprement dit, commence à la fin. Le La fiction commence à la fin. de comment de oui, Paranormal Activity. Oui, non, parce qu'en fait, voilà, on avait fait, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on avait fait l'enregistrement qui n'a jamais porté ses fruits avec Laurent Charrier. Oui. Voilà, et je sais pas si tu te souviens ce que lui en disait, et que effectivement, si tu prêtes pas attention, moi c'est vrai que bah, le film m'a gonflé, donc j'ai dormi devant. Je le cache pas, hein, je le vis bien. Mais je me suis endormi devant Paranormal. Bah oui, mais. C'est tellement chiant, tu passes tellement ton temps à regarder les gens dormir et bouffer et parler et trucs comme ça, que moi je me faisais chier quoi. J'ai même pas envie de dire que j'étais crevé parce que c'est faux, je l'étais pas. J'étais en pleine forme, j'étais avec ma copine de l'époque, on regardait le film, elle aussi elle se faisait chier. Il y a un moment j'ai posé la tête sur ses genoux pour lui faire un câlin et elle m'a réveillé à la fin du film quoi. Ouais mais c'est tellement compréhensible. Et effectivement, ce que Laurent Charrier nous expliquait, et ce que je comprends qu'il puisse être intéressant, c'est que dans le film, tu vois le démon, donc le fameux démon du film, prendre de la puissance chaque nuit, si tu veux. T'as le côté où vraiment, chaque nuit, donc tu les vois dormir, en accéléré, heureusement. Et tu vois leur porte de la chambre qui s'ouvre. Effectivement, si tu prêtes pas attention, enfin moi je sais que j'avais pas prêté attention, je le dis clairement, hein, si tu prêtes pas attention, tu t'en rends même pas compte que leur porte elle s'ouvre. Parce que c'est un détail, c'est tellement insignifiant, c'est tellement planqué dans un coin de l'image, que t'as pas l'habitude de regarder, parce que quand il y a une action, c'est au centre de l'image. Et là, justement, la porte n'est pas au centre. Et sachant que tu vois ça, qu'est-ce que tu regardes? Bah, tu les regardes dormir, quoi. Enfin, ben oui. Tu vois, tu les regardes dormir pour voir si, bah oui, mais il va peut-être se passer un truc avec eux. Et en fait, c'est pas eux qu'il faut regarder, c'est la porte. Et la porte s'ouvre un peu plus chaque nuit, ce qui signifie que le démon prend de la puissance. Pour au final laisser. Alors, je sais qu'il y a un moment, il laisse genre des traces de pas, enfin. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Dans la maison, ce qui fait que, bah oui, chaque nuit, il prend de plus en plus de puissance. Mais, bah, d'une, il faut le voir. Et de deux, faut pas s'endormir, quoi. Parce que, je suis désolé, hein, s'il y a des fans de Paranormal Activity qui nous écoutent. D'ailleurs, on a bientôt fini, on va faire une pause musique, là. On retournera au film juste après. Enfin, au film, au jeu, juste après. On retournera à notre jeu juste après, mais effectivement, si tu fais pas attention, bah le film c'est juste un couple qui est, ils sont chez eux et puis bah à la fin ça pète quoi. Enfin moi c'est vraiment ce que je pensais qu'était Paranormal Activity au début quoi. C'est vraiment c'est ce que tu retiens. Bah oui, c'est ce que tu retiens, mais sauf si t'as fait attention à bien regarder le film et à bien le comprendre et à bien. Et c'est casse-couille. Et moi, tu vois, moi qui aime. Je le dis, je suis pas fan de films comme ça. Enfin, j'aimais bien. Il y a eu une période où j'aimais bien les found footage. Mais quoi ? Les found footage, c'est plus ou moins en fait Paranormal Activity, si tu veux. C'est les films, c'est genre un couple est parti en vacances découvrir la vidéo qu'ils ont fait avant de disparaître. Ah oui. Tu vois. Je vois. Qui a un style qui est vachement intéressant au final. Par exemple, pour moi, un des meilleurs films qu'il a utilisé, le meilleur film qu'il a utilisé, et c'était le premier, et c'est pas pour rien que c'est le papa du genre, c'est Blair Witch. Oui. Tu vois, et je sais que j'avais une période, j'avais 14 ans peut-être, ça remonte quand même, hein, j'avais 14-15 ans, où j'ai commencé à regarder des found footage, et à me dire, mais en fait c'est vachement intéressant, tu peux faire plein de choses avec ça. Et c'est vrai, enfin Paranormal Activity montre qu'on peut faire plein de choses avec ça, Rec avait été le deuxième film que j'ai regardé. J'ai regardé Blair Witch et Rec à la suite. Et j'ai fait, mais c'est génial comme style, quoi. Je kiffe. Et puis, Bah, à cause de REC et de Paranormal Activity, ça s'est démocratisé. Et ça a été comme les films de zombies, et comme les films de monstres, et comme beaucoup de films, il y en a eu trop. Ouais. Ils sont arrivés à en faire trop. C'est devenu une c'est devenu à la enfin à la mode et enfin c'est devenu gratuit en fait. C'est ça, c'est devenu complètement gratuit. Et moi, je sais que j'ai commencé à avoir beaucoup de mal parce que, bah justement, j'avais l'impression que je regardais un film et j'étais là, genre, mais ils sont sérieux? Mais ça, on l'a déjà vu là, et ça, on l'a déjà vu là, et ça, on l'a déjà vu là. Et tu vois, genre, à voir que les films avaient plus aucune originalité, alors que le found footage est vachement original à la base, quoi. Le found footage, c'est la base de l'originalité. C'était le renouveau du cinéma, quoi, à une époque. Parce que, bah, Ouais. effectivement, t'es là, tu te dis, merde, c'est pas un cadreur qui cadre des personnages, c'est des personnages qui se filment eux-mêmes. Qui se cadre en autonome. Et tu peux avoir moyen, avec cette idée de se dire c'est des personnages qui se filment eux-mêmes, de faire plein de choses. Je sais que, je crois que c'est. Je crois que c'est le Fossoyeur ou In the Panda qui en parlait. Je crois que c'est In the Panda, hein, qui a fait une chronique sur le dernier. Le dernier. Comment. Pas Paranormal Activity pour le coup. Et qui parlait d'une scène très intéressante où la gamine passe sous la maison. Tu vois, c'est une maison américaine avec les fondations accessibles, quoi. Ouais. Tu vois, t'as moyen d'accéder aux fondations. Et donc la gamine passe dessous et il y a sa grand-mère qui la suit. Et si tu veux, la façon dont est filmée la grand-mère qui est filmée par la gamine, elle est creepy, mais ça race! Mais sa race, quoi, c'est la grand-mère la plus flippante de l'univers. Coucou, je viens jouer avec toi. Et c'est exactement ça. Et si tu veux, donc t'as l'impression qu'elle se fait poursuivre par sa grand-mère dans le souterrain. Et arrive le moment où justement elle en sort. Et quand elle en sort, t'as la grand-mère qui fait, bah alors, pourquoi tu partais? Je voulais juste jouer avec toi. Connasse. Et si tu veux, non mais si tu veux, c'est que quand elle en sort, c'est plus filmé par la gamine, c'est filmé par son frère qui lui n'était pas là. Et donc si tu veux, ça fait un nouveau point de vue et ça fait qu'effectivement tu peux cadrer quelque chose de parfaitement normal et en faire quelque chose de creepy, sa race. Avec juste une différence de cadrage. Et là, la différence de cadrage, c'était juste le plan rapproché, si tu veux. T'avais la grand-mère qui était très proche de la petite fille. Donc ça donnait cet effet flippant, très malsain. Parce que tu la vois se rapprocher de plus en plus avec une certaine lumière, avec un certain. Et au grand jour, quand la lumière est correcte, eh ben, tu vois juste une grand-mère normale qui cherchait juste à attraper sa petite fille pour jouer avec elle. Et donc du coup, ça permet de faire des histoires et des trucs extrêmement intéressants. Quand c'est bien maîtrisé. Quand c'est bien maîtrisé, et puis quand c'est mal maîtrisé, arrive... comment est-ce qu'il s'appelle? Cloverfield. Pardon. Non, alors Non, je déconne. C'est Cloverfield, moi j'ai particulier. pas aimé. Moi j'ai pas aimé, mais... C'est un potentiel, c'est comme un soufflet qui se dégonfle en fait. Faut pas trop en attendre. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Faut pas trop en attendre. Faut pas trop attendre de ce film. Faut pas se prendre la tête en mode. Voilà, c'est du Michael Bay, mais en found footage. Oui, en fait, oui, l'idée est C'est là. ça, hein. C'est ça. C'est voilà. C'est d'ailleurs, ça avait été Cloverfield qui avait été pensé. Comme un remake de The Thing de John Carpenter. Parce que dans The Thing de John Carpenter, tu ne vois pas le méchant. Et Oui, mais donc The du coup, Thing est il bien fait. s'était... Oui. Bon, voilà, après ça, hein, voilà. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la sensibilité de chacun. Moi, j'ai pas aimé du tout. Mais bon, ça, c'est un... Mais voilà, moi, je pense, par exemple, à un film que mon ex m'a fait regarder. La même ex d'ailleurs, hein, qui m'avait fait regarder Paranormal Activity. C'était le projet de Tchernobyl ou une connerie du genre. Et ça semblait vachement intéressant parce que c'était filmé, enfin c'était marketé comme un documentaire sur un groupe d'amis qui va à Tchernobyl, donc sur vraiment le site de Tchernobyl, hein. Vraiment là où il y a eu l'explosion. Je peux me permettre, tu as déjà le titre du film Projet Tchernobyl. Déjà, si ça te fait non, sourire. Mais je sais plus le nom du film, c'est ça le truc. C'est que ça remonte mais à il y a quand y a tu vois un documentaire demi, qui suit un groupe de jeunes adolescents beurrés à la bière, enfin j'extrapole, qui machin, truc chouette, vont se balader, tu sens presque sentir la blague maintenant. Ouais, est-ce que tu veux que je te donne, alors je te donne juste un film, c'est juste une idée, hein, comme ça, et tu me dis si ça te parle ou pas, d'accord? Ouais. C'est un groupe d'amis qui font un documentaire et qui vont dans une forêt. Blair Witch. Exactement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est voué être un piège. Mais c'était il y a 3 ans, c'était en pleine, justement, en pleine apogée du... Il y a une suite, d'ailleurs, au projet Blair Witch. Oui, mais elle est nulle. Oui, d'accord. D'accord, c'est de la merde. Mais... Non, mais c'était vraiment un truc, ça, de base, le truc sur Tchernobyl, ça avait l'air super intéressant. Bon, il disait que, clairement, les mecs du film disaient non, ça n'a pas été vraiment filmé à Tchernobyl. Mais ça aurait presque pu. Mais tu vois, genre, de base, moi, le concept, je m'étais dit pourquoi pas? Tu vois, genre, vraiment, pourquoi pas, quoi? Oui. Vraiment, pourquoi pas? Et effectivement, quand j'ai vu le film, c'était vraiment parti comme étant un film à la con, quoi. Enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont maintenant. C'était vraiment un film à la con. C'était vraiment un film débile qui n'avait pas plus de raison que ça d'exister, quoi, tu vois. Je vais être honnête, le film, il se passait déjà d'une pas grand chose à l'intérieur. Et le peu qui se passait, c'était des conneries du genre, ils entendent un énorme bruit. Mais genre vraiment énorme bruit, tu vois, genre bruit menaçant. Ils genre sont. Baf! Oh mon dieu! Non, pas baf, mais genre vraiment, genre limite des grognements, tu vois. Ah oui, ça va pas. Non, vraiment des grognements. Sachant qu'ils sont sur le site vraiment où ça a pété, quoi. Donc t'es là, même toi en tant que spectateur, t'es pas rassuré, quoi. T'es pas super bien. T'es pas super méga bien rassuré. Et puis d'un coup, il y a un ours qui débarque. Bonjour. Mais genre vraiment, il y a un ours qui arrive. Et c'est en fait leur jumpscare. C'est qu'en fait, comme il y a des animaux, ce qui est logique hein, au final, qu'il y ait des animaux sauvages qui a un peu repris le contrôle du truc. C'est, oui, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais ça, c'est tellement le jumpscare que tu vois arriver à 500 km à la ronde que tu fais non, quoi. Et ce qui pêche dans ce genre de film, pour moi, et ce qui ne pêchait pas, au contraire, dans Blair Witch... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent un truc à Blair Witch que moi je ne reproche pas, c'est sa fin. Il y a beaucoup de gens qui disent que la fin de Blair Witch c'est de la merde. Parce qu'ils ont pas le... J'ai pas envie de dire ils ont pas le recul parce que tu vois ce serait faux. Mais ils ont pas le... Cette espèce de passage complètement ridicule où enfin il n'y a plus le merde, comment expliquer ça, l'envie d'être surpris, si tu veux. La fin de Blair Witch, t'avais pas des réponses, t'avais aucune réponse à la fin de Blair Witch, quoi. C'était tu sais pas s'il y a une sorcière ou si c'est un fou ou... Et tu vois, il y a eu moi, parce que je me suis vachement renseigné là-dessus, il y a eu des endings, comment on appelle ça, merde. des endings pas prévus, si tu veux, alternatifs. Oui, des fins alternatives. Il y a eu des fins alternatives à Blair Witch. Et elles sont toutes filmées d'une façon un peu différente. D'un angle différent, où il se passe un truc un peu différent. Mais t'as toujours la même chose à la fin. Tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Tu ne fuck pas savoir. Et c'est le, tu vois, c'est le plus grand, pour moi, c'est le plus grand, comment on va appeler ça, avantage de Blair Witch. C'est que dans Blair Witch, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu finis Blair Witch, et la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est putain de quoi ? Qu'est-ce qui vient de ce putain de passé ? De merde. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde qui a vu Blair Witch... est arrivé à la fin en se disant merde, qu'est-ce que je viens de regarder là, tu vois, parce que jusque là c'est un film classique où justement bon, tu te poses des questions, est-ce que ça existe vraiment, non c'est une blague, tu vois, genre chacun a son avis là-dessus. Sur la fin de Blair Witch, je vais rien dire parce que chacun a son avis, et je, tu vois, genre moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a vraiment une sorcière, je peux comprendre qu'il y en ait d'autres qui pensent que ce soit juste les jeunes qui ont pété un câble et qui se sont entretués. Alors, je comprends parfaitement parce que la fin te laisse te poser la question. Et moi qui suis, comme je l'expliquais, hein, je suis fan de films d'horreur et je suis fan de... J'étais fan à l'époque de found footage. Je suis toujours fan de found footage, mais des bons found footage, c'est la différence. C'est que pour moi, tu dois toujours te poser une question à la fin. Est-ce que ce que je viens de regarder, c'est réel ou pas ? Est-ce que là, ce que je viens de voir, ça a pu arriver dans le film ? Ou est-ce que c'était une blague ? Est-ce que c'était, tu vois ? Oui. Et dans 99, et oui, je vais bien dire 99% des films de found footage sortis après Rec et Paranormal Activity, à la fin, tu avais une réponse. Le film te disait, voilà ce qu'il s'est réellement passé. Et sans te demander ton avis, sans rien. Hein. C'était, ah ouais, mais bon, t'as peut-être pas compris, bah, on va te l'expliquer quand même. Tu vois, à la fin du projet de Tchernobyl, en fait, t'apprends qu'il y a des cannibales, des cannibales zombies qui ont existé. C'est des genres de mutants qui sont là parce que les mutations de Tchernobyl. Et que, ils enferment des gens dans des bunkers pour les manger après. Fin. C'est tellement... Alors que 3 quarts, 90% même du film, c'était juste, t'entendais, tu pensais voir des trucs bizarres. Mais le seul truc, c'est que t'étais pas sûr. Et du coup, ça... effectivement, il y a eu toute une partie où tu étais là, ça c'est un ours, ça c'est, tu vois, c'est ce que j'appelle les cheap jumpscares. Les machins, oui. Vraiment, les jumpscares du pauvre, quoi, tu vois, c'est... C'est clairement, là tu veux, je sais, ils ont mis un jumpscare parce que tu vois, c'est pour que le public de 14 ans, les gamins de 14 ans qui vont voir le film avec là, pour draguer, hein, parce que clairement les films d'horreur sont pensés comme ça maintenant, hein, c'est pour les gamins de 14 ans qui veulent pécho au ciné, le gamin de 14 ans qui veut pécho au ciné, il peut pas ne pas avoir compris. Parce que s'il a pas compris, il reviendra pas voir. Le gamin de 14 ans, il veut avoir compris. Donc oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui expliques. Et puis tu lui mets quelques jumpscares parce que faut bien que sa meuf, elle se colle à lui, quoi. Faut bien qu'elle lui attrape les bonbons, quoi. Faut bien qu'elle lui attrape les bonbons pendant les scènes qui font peur, quoi. Même si en vrai, elles font pas peur. Mais bon, il faut quand même qu'elle fasse un peu peur parce que ça fait peur, tu vois. Genre moi, ce qui me fait le plus peur dans la vie, sans déconner, c'est qu'un mec s'approche de moi et me fasse boue, quoi. Tu vois, s'il y a un mec qui fait ça, je deviens fou, je suis terrorisé à vie, quoi. Tu vois ? Je lui pète sa race, moi j'en peux plus. Ah mais moi, c'est ça, quoi, je pète un câble. Je lui explose la gueule, je deviens fou, quoi, tu vois. Genre hardcore Venom quoi, le mec Ah non, je pète un câble hein. Y'a un mec qui arrive qui me fait boum et je deviens fou quoi. Tu vois, c'est ma plus grande peur dans l'univers entier. Je comprends, je pense qu'on partage et... la même chose. Exactement, et sur ce, je pense qu'on va aller faire une petite pause pub. Oui, exactement, une pause pub pour tous nos sponsors. Pause pub, ça y est, allez, on se sent plus pété, on fait des pubs maintenant. Wow. Voilà, on se sent plus pété, on fait de la pub. Et si, en parlant de pub, alors, un truc qu'on n'a pas fait. Et qu'on, les qu'on players devait... du dimanche. Et oui, les players, la player des dimanches. Qui sont nos partenaires, hein, bien entendu, pour cette émission. Et à qui on fait des bisous, surtout à Maïté. Parce que Maïté, elle est cool. On fait des bisous partout. Alors, évite quand même. Parce que moi, je tiens pas à me faire tabasser par Maïté. Hein. Elle me fait un peu peur, la demoiselle. Mais... je m'en fous, je leur fais partout, mais des bisous. Ah non. Mercetta, merfu. Bah, quand je fais des bisous, c'est partout, mais je... Ah non, pas des bisous partout. Enfin, sauf là où ça pue, mais sinon, c'est partout. Tu fais pas des bisous là où ça pue. Moi, j'en fais tout le temps. Tout le temps. Et à tout le monde. Putain, genre dans la rue, je vois un mec. Hey, salut machin. Tu vois. Moi, j'ai l'herpès au coin des lèvres. Moi, je suis un fou. Oh putain. Ouais, pause pub, ouais. Allez, pause pub. Alors, comme mon PC voudra bien, hein. Soit mon PC est planté. Hein. Voilà, pause pub, à tout de suite. Et nous revoilà après la pause musique qui était... Qui n'était pas une pause pub au final. Bah, qui était une pause pub. C'était en fait une musique pub. Ah. Avec plein de placements marketing. Vous ne m'aurez jamais. Bien C'est ça. Voilà, donc du coup, on va revenir un petit peu sur, sur Mad Max. Oui. Niveau du gameplay, comment qu'on joue à Mad Max? C'est très simple, ça veut dire qu'on va avoir une touche qui va servir à faire tout ce qui va être action, donc interaction et autres. Une touche de combat, une touche pour rentrer dans les véhicules, ensuite c'est de la conduite de véhicule classique. Ouais. Et puis voilà, et puis après, une touche pour utiliser le fusil, enfin c'est... une touche pour courir, une touche pour faire un petit saut, enfin c'est honnêtement c'est du ultra casu. Ouais. Très casu. Très très casu. Ça reprend juste le système des Batman pour le combat mais en plus simple. D'accord. Donc honnêtement au niveau du gameplay, voilà, c'est ça, on va avoir une partie à pied, une partie en voiture, et voilà, à pied, on peut courir, on peut sauter, on peut utiliser son fusil, on peut taper, on peut interagir tout le temps avec la même touche, on peut faire des roulades, et en voiture, on peut tirer un harpon avec le personnage qui accompagne à l'arrière, on peut accélérer, freiner, marche arrière, s'éjecter du véhicule, c'est-à-dire qu'on peut sauter en marche, comme on peut faire dans les GTA. Enfin, honnêtement, voilà, on est sur du gros classique honnêtement. Niveau gameplay, c'est y a strictement pas vraiment d'innovation. Oui, mais la voiture par exemple, c'est quand même un des plus gros aspects de Mad Max. C'est la voiture en fait. Ce qui va être intéressant, c'est le fait de pouvoir modifier beaucoup de choses, c'est-à-dire de pouvoir lui rajouter des espèces de barres de protection sur le côté, des pics anti-abordage pour pas se faire aborder, ouais. Des armements sur les roues en fait pour quand tu te frottes un ennemi en fait pour aller faire des dégâts avec des espèces de scies que tu peux améliorer en fait qui se trouvent sur les roues du véhicule, une espèce de pare-choc, un pare-buffle que tu peux améliorer, une espèce de gros comme un truc de pelleteuse à l'avant en fait, pareil que tu peux améliorer en fait pour faire des dégâts en fonçant de face avec les ennemis. Tu peux changer les suspensions pour gérer l'adhérence, les pneus pour gérer l'adhérence, le moteur. Tu as un V6, tu as plusieurs modèles de V6 et plusieurs modèles de V8. Donc là, ça va être pour la puissance du véhicule. tu peux améliorer le lance-harpon de feu, tu peux améliorer le lance-harpon accroché. Donc c'est en fait un lance-harpon, tu vas avoir un lance-harpon en fait qui va lancer des harpons explosifs. Et tu vas avoir comment dire, un harpon en fait qui va accrocher les ennemis ou les objets. Tu as aussi un lance-flamme. Tu peux avoir une espèce de lance-flamme en fait, ça balance un gros jet de flamme à l'arrière du véhicule que tu pareil, tu peux améliorer. Tu as un sniper. Tu peux changer les. En fait, tu peux avoir différents types de carrosserie. Tu as 1, 2, 3, 4. Tu peux avoir 6 ou 7 types de carrosserie différentes qui vont juste changer l'aspect du véhicule. Tu as des couleurs de carrosserie que tu peux avoir aussi. Alors, celles-là, elles s'obtiennent la plupart du temps, voire même tout le temps, en battant justement des caïds dans les forteresses. Tu peux mettre des stickers sur ta voiture pour la personnaliser, pour la rendre plus jolie. Et tu as des ornements. Donc, tu as un ornement que tu peux mettre à l'avant et un à l'arrière. Te rapporte, enfin, qui, en plus d'être décoratif, te rapporte des bonus, en fait, en adhérence, en armement, en dégâts, en vitesse, en maniabilité. Parce qu'en fait, tu as plusieurs éléments. Tu as l'armement, donc ça va être l'armement disponible, les dégâts que tu vas faire, ta défense, ta vitesse, ton accélération, ton freinage, ton adhérence et ta maniabilité. D'accord. Et ça se contrôle bien, c'est pas trop. Bah, on a en fait il faut vraiment travailler la maniabilité du véhicule parce que sinon la plupart du temps on a vraiment l'impression de conduire soit un bloc de granit soit une savonnette. D'accord. Et en fait dans la personnalisation du véhicule en fait le donc soit tu peux foutre tout au maximum pour une espèce de, avoir une espèce de tank de guerre en fait un espèce de monstre armé. En fait, tu t'assures quasiment l'invincibilité et t'as une bagnole, c'est juste ultra badass parce qu'elle est juste, bah ouais, c'est un monstre le machin. Et après, en fait, tu as ce qu'ils appellent en fait les archanges. Donc les archanges, en fait, c'est des véhicules qui vont demander une certain type de carrosserie, une certaine couleur, certains éléments améliorés, non améliorés, présents, non présents. Et en fait, elles vont avoir des caractéristiques propres. Donc, tu vas avoir des. En fonction, en fait, en gros, ça te sert à te montrer que tu peux paramétrer ta voiture toi-même. C'est-à-dire que tu peux soit te faire une voiture qui va être très rapide, mais très fragile. Mais du coup, bah, tu vas être plus enclin à semer les ennemis. Parce que tu as un système de courses. Enfin, tu as des courses que Ouais, tu peux ouais. faire avec ta voiture. Donc, voilà, ça va être plus. Voilà, ça, les courses, voilà. Pas spécialement souvent avec ta voiture, c'est avec des voitures que tu collectionnes. Oui, parce que du coup, tu peux récupérer des véhicules donc qui vont être stationnés, qui vont être, toi, t'as des véhicules qui vont être légendaires, d'autres qui vont être communs, en fait, ça va être des véhicules classiques. Tu peux récupérer ces véhicules-là et si tu les emmènes dans une de tes forteresses, enfin, une de tes forteresses alliées, en fait, tu l'ajoutes à ta collection. D'accord. Tu as une collection de voitures, en fait, à remplir. C'est-à-dire que le but du jeu étant de posséder toutes les voitures. Et en fait, quand tu es dans une forteresse, tu as soit le choix de conduire donc ta voiture principale, soit de conduire une voiture qui se trouve dans la forteresse. Donc une voiture ennemie. En fait, les voitures ennemies te servent à éviter de te faire repérer par les ennemis, par certains types d'ennemis en fait. Et il y a des véhicules qui ont certains, voilà, qui vont être très résistantes, qui vont faire beaucoup de dégâts, qui vont avoir un lance-flammes, qui vont avoir ceci. Enfin, chaque véhicule va avoir sa particularité. Donc effectivement, il y a aussi ce système-là qui m'a, bah, qui m'a moi pas spécialement marqué, mais effectivement qui présente le fait de pouvoir collectionner tous les véhicules du jeu en fait. Le but, il y a un but, voilà, c'est du platinage, hein, mais voilà, le but étant de récupérer tous les véhicules possibles, dont des véhicules qui sont en fait parqués à certains endroits, qui sont des véhicules légendaires, pour les avoir dans ta collection. Et t'as des missions, par exemple, tu dois avoir t'as un véhicule en fait, c'est un buggy. T'as un chien à l'arrière et en fait, il te sert pour une mission qui est de repérer des mines dans le désert afin de les désamorcer. D'accord. Donc après voilà, c'est vrai que c'est très orienté autour des bagnoles du coup, mais du coup voilà, après t'as la façon dont tu as ces voitures-là donc tu peux collectionner qui vont avoir donc les particularités, qui vont être, enfin voilà, l'adhérence, la résistance, les dégâts et tout ça, donc ils vont avoir leurs propres particularités. Et après toi avec ta propre voiture tu peux voilà tu as le système d'archange où tu peux en fait toi gérer ta voiture pour soit en faire une machine de guerre soit en faire voilà une roquette de sable ou une voiture on va dire 50-50 quoi, elle est rapide et en même temps résistante en même temps fuite de dégâts, enfin un truc voilà plutôt équilibré C'est au choix. Il n'y a pas d'obligation de foutre tout, enfin, toutes les améliorations à fond sur sa bagnole. Ouais, c'est vraiment toi qui choisis. C'est en fonction de ton style de jeu, en fonction du style de bagnole que tu peux avoir. Même si tu as juste envie de te faire un délire sur la gueule qu'elle a, quoi. Tu peux te dire, je m'en fous en fait des performances. Moi, je veux juste. C'est juste pour le skin du truc. Voilà. Tu as quand même un panel de personnalisation post-apo qui est sympa. D'accord. Voilà. Et pareil pour Max, où tu peux changer son manteau, ses gants, sa coupe de cheveux. Alors, c'est très répétitif, c'est-à-dire que c'est cheveux courts, barbe courte, cheveux mi-longs, barbe mi-longue, et après gros cheveux longs, oui, barbe hirsute. Oui, j'imagine bien. Après, ça va être peinture de guerre ou de course. Donc, en fait, en gros, il a de la peinture, enfin, il a une espèce de poudre bleue colorée sur la gueule. Tache de cambouis. Donc là, il va être tout taché de cambouis. Mais voilà. Après, ça va être. En fait, ça va être des mélanges. Après, ça va être la même chose, mais avec les trucs les peintures de guerre en plus, tache de cambouis, un bandana, des lunettes de course. Enfin, voilà. Ça va être vite fait, quoi. Ok. Donc et puis pareil pour les vêtements et tout ça, mais après pas de grosses nouveautés. D'accord. Et du grand classique. Ouais, et pour finir, tu dirais le jeu, tu le conseilles pas Oui, si. Honnêtement, oui. C'est un jeu, honnêtement, voilà, si vous avez pas si on se fait chier, c'est un bon jeu, voilà, il y a vraiment matière à jouer et quand même à se faire plaisir dessus. Donc oui, c'est un investissement qui vaut le coup. Peut-être d'occasion, peut-être que, enfin, sauf si la foi y est, moi j'avais la foi, je l'avais pris neuf, mais voilà, sur de l'occasion, après, même honnêtement, il vaut bien 40 balles. 30-40 balles, c'est honnêtement une bonne brochette. D'accord. Donc du coup, voilà. Ok, bah sur ce, on va se dire au revoir. Parce que oui, on a pris un peu trop de temps. Oui, on a pris beaucoup de temps au début et on raccourcit la fin, mais on fait le format qu'on a envie et on vous emmerde. On aurait aussi pu faire une émission en une seule partie. Hein. Oui, sans musique, et là vous auriez été bien dans la merde pour aller faire pipi. Voilà. Donc sur ce, on vous fait des bisous. Plein de bisous. On vous donne rendez-vous donc normalement demain, mardi, à 21h, devrait y avoir Nayet et ses trolls. On sait pas encore. Logiquement. Alors où on enregistre, ça devrait être bon, mais bon, voilà. Oui. Mercredi à 21h, peut-être retour au CP. Peut-être, c'est pas encore sûr. Ça dépend. Je suis très très fatigué en ce moment. Ma formation me tue. Là, vous voyez, il est 18h30. Je suis en train de tomber de fatigue. Donc, animé 2 heures, c'est vrai que c'est difficile. Jeudi à 21h, c'est Chouchou et ses drôles de dames. Donc, oui. L'émission 100% féminine de Splash Wave Radio. Samedi, il n'y a rien parce qu'on est samedi et qu'on s'en branle la nouille. Dimanche à 21h, c'est l'arbre de la connaissance. Oui, j'ai oublié son pseudo. C'est Dark Squirrel, non? The Dark Squirrel, voilà, exactement. L'arbre de la connaissance de Dark Squirrel. Et à 21h30, c'est Music de Jim Noir. Voilà, donc on vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous lundi prochain, soit donc lundi prochain sur Splash Wave Radio, le lien sera dans la description, soit, eh bien avec tous les autres podcasts sur Mixcloud, le Mixcloud Splash Wave Radio, soit sur le site de nos partenaires, les Players du Dimanche. Eh ouais, Jamy. Eh oui, c'est génial, eh oui, tout à fait. C'était horrible. Ouais, je pense qu'il a un cancer de la gorge, là, Stade-là. Ouais, à ce stade-là, oui, c'est... Ouais. Donc voilà, donc nous, on vous fait des bisous, et puis on revient la semaine prochaine avec un vrai thème, cette fois-ci. Pas un truc fait à l'arrache. Non. Pas en mode décidé en plein milieu de l'émission. Eh, mais en fait, si, on va parler de... Ouais, parce que, voilà, hein, il y a un moment, si, quand même. Mais après, ça se trouve, ça aura été décidé comme ça, mais vous le dira pas, ça passera à crème. Voilà. D'ailleurs, qui vous dit qu'aujourd'hui, c'était pas décidé? Voilà, qui vous dit qu'en fait, on l'avait pas décidé et qu'on avait décidé de vous faire croire que c'était pas décidé, donc du coup, voilà. Peut-être que c'était décidé, mais qu'au final, on n'a pas décidé de vous décider de décider. De ne pas décider. Tu m'as perdu. Sur ce, bonne nuit. Bye bye les gens. Tchuss.